Il fait bon fermer sa porte dès que la nuit est venue. L'autre soir, m'y promenant, je passe chez mes voisins. Le maître n'est pas dedans, il est allé au moulin. En laissant la porte ouverte et sa femme toute nue, il fait bon fermer sa porte dès que la nuit est venue. Alors je me débarrasse et m'y couche dans le lit. Elle m'étreint, elle m'embrasse, croyant que c'est son mari. Revenant de son moulin, la farine moulue fin, il fait bon fermer sa porte dès que la nuit est venue. Après de bien doux ébats, 2 ou 3 heures dans la nuit, je lui dis 2 mots tout bas, belle, retrouve ton lit. Elle s'écrie éperdue, je suis une femme perdue. Il fait bon fermer sa porte dès que la nuit est venue. Cher ami, je vous en prie, pas un mot de tout cela. Je vous le promets, mamie, le récit n'en ferait pas. Partout où l'on vous connaît, mais ailleurs je le ferai. Il fait bon fermer sa porte dès que la nuit est venue.